La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Lorsque l'on évoque l'Amazonie, on pense à sa forêt gigantesque, au trésor de biodiversité qu'elle abrite encore, malgré la déforestation massive qu'elle connaît depuis plusieurs décennies. Mais on oublie souvent qu'elle est toujours habitée par des centaines de communautés d'Amérindiens. Ils sont plus d'un million d'autochtones à vivre là, comme le faisaient leurs ancêtres. Quelle est la situation de ces femmes et de ces hommes aujourd'hui? L'exposition intitulée Oka, Amazonie, une forêt habitée, qui ouvre ses portes aujourd'hui au Muséum de Toulouse, propose de nous donner des nouvelles des peuples autochtones qui vivent dans cette immense forêt tropicale d'Amérique du Sud et plus particulièrement de ceux qui vivent en Guyane française. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de ces Amérindiens dont la culture, la langue, les savoirs et les représentations du monde sont menacés de disparition. Je vous présente nos invités dans une poignée de secondes. Axel Villard, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, une intrigante histoire de cerveau de cochon aujourd'hui à la une. Oui, puisqu'une équipe américaine a réussi à relancer partiellement l'activité de cerveau de cochon mort depuis 4 heures. Pourquoi faire? On essaye d'y répondre dans un instant. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Chantal Lemontagnier. La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Invité de la Tête au Carré aujourd'hui, Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et conservateur en chef pour cette exposition Oka, Amazonie, une forêt habitée qui ouvre ses portes aujourd'hui à Toulouse. Guillaume Audone, conseiller scientifique de l'exposition et ethnobiologiste en Guyane. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Guillaume Audone, que signifie le premier mot du titre de l'exposition Oka, hein, Oka? C'est en langue amérindienne, une des langues amérindiennes. Oui, c'est un mot Kalinia qui se rapproche d'un peu de, comment dire, l'idée de quelles sont les nouvelles. C'est ça, hein, Francis Duranton, Oka, Amazonie. L'idée, c'est de nous donner des nouvelles des peuples qu'abrite encore la forêt amazonienne. Et oui, puisque cette année a été proclamée par l'UNESCO année des langues autochtones, des langues et des peuples autochtones. Et donc, c'était l'occasion un petit peu de donner la parole aux Amérindiens pour nous parler d'eux et non pas d'avoir le point de vue du français qui parle d'eux. Ouais. Guillaume Audone, vous avez effectué des études de terrain en forêt amazonienne, alors au Pérou, mais aussi en Guyane. À quelles questions vous essayez de répondre en allant à la rencontre de ces peuples? La question principale, ça serait quelle est leur relation à la biodiversité qui les entoure? Comment est-ce qu'ils vivent dans cette forêt? Avec ce lien entre culture et nature qui n'est pas le même que le nôtre. En fait, on fait des distinctions que eux ne font pas forcément. Absolument. Alors nous nous intéresserons plus particulièrement aux Amérindiens qui vivent en Guyane française. Qu'est-ce que cela signifie pour eux, français, français et guyanais, cette double culture, Francis Duranton? Mais c'est une double culture et donc effectivement c'est à la fois le contact, je dirais, au savoir traditionnel et en même temps les envies de modernité, puisque aujourd'hui, ils nous le rappelaient encore ce week-end à Toulouse lors de l'inauguration, ils sont parfaitement connectés et il y a des ordinateurs dans les villages amérindiens. Donc c'est aussi une sorte de choc culturel, de rencontres entre deux modes de vie qui parfois ont du mal à cohabiter, mais qui malgré tout montrent que ces cultures amérindiennes sont extrêmement vivantes et extrêmement dynamiques. Ils chantent du rap, mais ils le chantent en teco, par exemple. Ouais. Teco, c'est une des peuplades d'Amérique du Sud? Oui, c'est un des six groupes culturels qu'on trouve en Guyane. Pas le plus nombreux, au contraire, peut-être un des moins nombreux numériquement, mais à mon sens, un des... pas le plus, mais un des très dynamiques aujourd'hui. À quel point sont-ils menacés, ces peuples autochtones, Guillaume Audone? C'est une question qui est complexe, comme toutes les questions autour de l'autochtonie. Menacés physiquement, relativement peu. Par contre, culturellement, comme toutes les cultures du monde, et particulièrement les cultures pour mémoire, les Tekos sont, on estime, à environ 500 aujourd'hui. Vous imaginez une culture qui est vécue par 500 personnes, en plein changement. Sous le coup de la modernité, on ne sait jamais trop vers où ça va. On s'intéresse à la forêt amazonienne et plus particulièrement guyanaise et aux peuples autochtones qui y vivent cet après-midi dans le dossier de la Tête au Carré. Si vous souhaitez adresser une question à nos invités, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Frankenstein remixé version porcine pour une étude sur la mort cérébrale qui fait beaucoup parler. C'est notre une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Oui, Daniel, et l'étude en question, plutôt intrigante, fait la couverture de la revue Nature. Voici le topo. Des chercheurs de l'université de Yale ont récupéré 32 cerveaux de cochons abattus normalement pour leur viande. Ils ont branché ces cerveaux sur une machine nommée BrainX qui fait circuler dedans un cocktail oxygéné à 37 degrés, enrichi en substances protectrices. Et après 6 heures de perfusion, il mesure une réduction de la mort des cellules, la restauration de certaines fonctions et notamment une activité synaptique pendant 6 heures. Alors pour en parler et pour comprendre ces travaux, nous sommes en studio avec vous, Karim Benchenan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroscientifique et chercheur pour le CNRS à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris. Alors, depuis la publication de ces travaux, on a lu beaucoup de petites formules dans la presse. On a pu lire « rallumer »,« réveiller »,« réanimer »,« relancer le cerveau de cochon mort ». C'est quoi le bon terme ? On a même entendu « zombie ». Ouais, les cochons zombies, hein, ouais, ça. C'est... Bah, il n'y a pas de bon terme. Le terme, c'est scientifique, c'est on peut restaurer certaines fonctions très particulières oui. après 8 heures post-mortem. Mais il est dans quel état ce cerveau branché sur cette machine ? Il n'est pas super en point. Tout leur argument, c'est de dire il marche mieux qu'un cerveau auquel on ne fait rien. Oui. Donc c'est déjà relativement important. La question, c'est quel type d'activité cérébrale on maintient. Donc il montre qu'on maintient une activité de la circulation cérébrale. Oui. Partiellement, parce que par exemple, deux fonctions qui sont très importantes pour l'activité cérébrale au niveau vasculaire, c'est la préservation de la barrière hématoencéphalique et l'autorégulation, qui n'est pas adressée ici. Donc on sait quand même que la partie vasculaire dans les organes hors du corps, c'est ce que se conserve le plus longtemps. Il montre également quelques maintenances de l'activité du système immunitaire, avec quelques limites sur les contrôles. Et enfin, il regarde l'activité neuronale. Donc, il montre qu'il n'y a pas d'activité cérébrale globale au niveau EEG, qui est utilisé pour définir cliniquement la mort. EEG, ce sont les signaux électriques. Voilà, c'est l'activité quand on pose des électrodes sur le scalp. Mmh. Donc, c'est ce qui est utilisé pour définir Et là, ces cerveaux que l'on a un peu réanimés n'ont pas d'activité électrique ou voilà. Une activité électrique? Non, il n'y en a pas. Par contre, il y a quelques neurones qui, localement, préservent une activité fonctionnelle. Mais ça, il le montre uniquement en refaisant des tranches de ce cerveau et en regardant ex vivo après sur les méthodes très classiques. Il y a quand même quelque chose, Karim Benchenan, qui est intriguant dans le protocole. Juste dans le protocole, ouais. C'est que ces chercheurs disent avoir gardé sous la main un anesthésiant au cas où le cerveau montrerait des signes de conscience. Alors déjà, pourquoi et est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils s'attendaient à quelque chose comme ça? En fait, je pense que la vraie question sous-jacente, c'est des questions éthiques. Notamment, par exemple, est-ce qu'un cerveau isolé de cette façon ressent la douleur? Oui. C'est parce que on est soumis à des règles éthiques. Donc là, il travaille dans un cadre qui est particulier, puisque à partir du moment où c'est un animal qui a été tué pour raison pour sa viande, on est en dehors des règles éthiques, puisque on n'a pas tué un animal pour faire de l'expérimentation, sous réserve que on n'induit pas quel est l'état de conscience de ces cerveaux et est-ce qu'on n'induit pas un état de douleur générale. Donc ça, c'est des questions qui se posent sur cet article, mais c'est là où, en fait, en regardant les littératures depuis plus longtemps, des préparations au cerveau isolé, ça existe depuis les années 70. Ça a été fait déjà, notamment par Robert White, un neurochirurgien de Cleveland qui est très connu pour ça. Et ça a été très utilisé, notamment pour essayer de faire un lien entre l'in vitro, on a beaucoup d'outils, et l'in vivo, parce que travailler sur des cellules isolées, c'est pas la même chose que travailler sur le cerveau. Et c'est là qui est un tout petit peu surprenant, parce que ces études-là ont montré qu'ils arrivaient à faire des préparations en gardant l'activité électrique pendant des durées plus longues. La seule différence, c'est qu'ils récupéraient le cerveau beaucoup plus tôt après... La 4 heures. Là, dans cette étude-là, ils attendent 4 heures. Donc c'est la seule vraie nouveauté, c'est le laps de temps entre le moment où le cerveau est mort et le moment où on tente de d'en réactiver certaines voilà, fonctions. Voilà, donc il y a plusieurs points qui avaient été faits séparément. Déjà, de perfuser avec quelque chose qui ne coagule pas, par exemple, où il n'y a pas de cellules, c'est déjà une prouesse, mais ça avait déjà été fait chez le cochon d'Inde. Donc il y avait plein de petites parties, et notamment dans les années 60, 70 ou 80, où on avait vraiment les chirurgiens et la physiologie, c'était l'âge d'or de la physiologie, avaient des compétences quasiment qu'on a du mal à retrouver à l'heure actuelle. Donc déjà, il y avait énormément de choses qui ont été faites. Et là, il y a une petite perte dans les années 80-90 avec le tout biologie maker. Et là, on retrouve ce qui est intéressant ici, c'est on arrive à trouver des situations où on peut attendre très très très longtemps après la mort. Mais oui. Karim Benchenan, le but quand même de cette manip et de cette machine, c'est quoi à terme? Qu'est-ce qu'on essaie de démontrer et comment s'en servir? En gros, c'est assez dur de savoir quel est vraiment le but des chercheurs dans l'étude. Ils sont pas très très très clairs, et c'est la discussion qui se fait autour de ça est assez compliquée. Les plusieurs points, c'est ils montrent que après très longtemps, on peut garder certaines fonctions du cerveau post-mortem. Ils disent, et c'est peut-être le point le plus faible de l'article, que ça peut être utilisé pour soigner l'ischémie cérébrale ou des troubles. Qu'est-ce que c'est l'ischémie cérébrale? C'est quand il y a un vaisseau dans le cerveau qui se bouge, donc il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de glucose, ou bien quand on en fait un arrêt cardiaque. Donc le but, c'est quand même de brancher un jour un cerveau humain, peut-être avec ce genre de dispositif? Alors, peut-être d'utiliser au moins ces préparations pour trouver des traitements, mais bon, le cocktail qu'ils utilisent, c'est un espèce de cocktail avec plein de molécules qui ont déjà été utilisées et faites en essai clinique et qui ne marchaient pas chez l'homme. Donc on ne sait pas trop. Mais toute la question, c'est ça. C'est est-ce que on peut... j'ai l'impression, est-ce qu'on peut utiliser ces préparations chez l'homme? C'est-à-dire que, en gros, il y a beaucoup d'échecs de la recherche sur les traitements, où certaines personnes disent c'est à cause de l'utilisation du modèle animal. Donc est-ce qu'on pourrait pas utiliser les hommes décédés pour faire des préparations de ce type-là et tester des molécules? Et donc, je pense que c'est pour ça que la discussion éthique se pose à un point tel qui est-ce qu'on peut s'autoriser? Est-ce que ces préparations ressentent la douleur? Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles sont... Après, l'extrapolation outrance, c'est le transhumanisme. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour préparer des futures transplantations de cerveau pour les centenaires de Californie qui veulent se faire congeler dans des frigos? Mais on vous sent quand même un peu ironique, assez critique sur les finalités de cette expérience et même sur la nouveauté qu'elle représente, puisque beaucoup de ces tests avaient en partie été déjà faits. Pourtant, c'est la couverture de Nature qui est une des revues scientifiques les plus reconnues et les plus prestigieuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont cédé au sensationnalisme chez Nature, que si vous aviez eu à revoir cet article, vous ne l'auriez pas mis en couverture? C'est-à-dire qu'on n'évalue pas la qualité d'un article au fait qu'il est publié dans Nature. Sinon, on dit que Donald Trump est un super-homme politique. Mais le point, c'est quelle est la question? J'ai l'impression que la question qui va dans les médias va beaucoup plus loin que simplement la question posée par l'article. Et si c'est ça, par exemple, il y a un expert en éthique qui disait c'est une révolution et ça change notre façon de penser la relation à l'éthique, la définition de la mort. Ça va très très loin parce qu'on pouvait se poser largement la question avant. Un des points, c'est potentiellement, il y a très probablement un brevet qui va être placé sur ce système. Si ça peut faire un système de l'afflux de capitaux pour peut-être des mauvaises raisons, mais des afflux de capitaux qui font que ce système de perfusion se démocratise et est vendu à large échelle, pour les transplantations, des choses, ça peut être étudié et peut être utilisé. Merci Karim Benchenam, merci à vous de nous avoir éclairé au-delà de la couverture de Nature sur cette recherche, et Axel, à bientôt. À bientôt. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le déplacement des pôles magnétiques de la Terre, expliqué en partie par une équipe française, un chercheur de l'Institut de physique du globe de Paris, est parvenu à modéliser informatiquement et expliquer l'apparition des secousses géomagnétiques, ces anomalies imprévisibles, rapides et intenses du champ magnétique terrestre. Il aura fallu l'équivalent de 4 millions d'heures de calcul pour parvenir à simuler les mouvements et les ondes qui parcourent les fluides à l'intérieur de notre planète. Cette première simulation et la compréhension de ces secousses ouvre la voie vers une meilleure prédiction des fluctuations du champ magnétique terrestre, très utile à nos satellites par exemple. Les femmes ont 9 fois plus de risques de déclarer des maladies auto-immunes et c'est une des grandes énigmes de la médecine. Une partie de l'explication de ce mystère se cache peut-être sous la peau. Une protéine appelée VGLL3, présente en plus grande quantité dans la peau des femmes que dans celle des hommes, est au centre d'une publication cette semaine. Chez la souris, les chercheurs montrent que cette protéine booste le système immunitaire à tel point qu'en trop grande quantité, elle peut le retourner contre l'organisme qu'il est censé défendre. Les scientifiques comptent maintenant voir sur plusieurs femmes atteintes de lupus si cette protéine joue un rôle dans la maladie. Et pour terminer, un étonnant mouroir de dinosaures datant de 220 millions d'années a été mis au jour près de San Juan en Argentine. Les paléontologues ont eu la surprise de découvrir un amas d'os fossilisés contenant des restes d'au moins 8 individus agglomérés dans un cylindre de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Les os collés les uns aux autres appartiennent tous à des reptiles herbivores dont certains complètement inconnus. La seule explication proposée par les chercheurs pour expliquer cette densité de fossiles et l'assèchement progressif d'un point d'eau où les animaux seraient venus mourir. Dans un instant, on part en forêt amazonienne à la rencontre des peuples qui y vivent et nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. On the street, tank top in a the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks. They on me feet, knapsack with me a beat. Well, pack up on the need. Stay woke, no sleep. Me no little book keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine. That's why me come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burning. Sita, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Buffy pan up, set a track, see me bring the heat, yeah. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burn. Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness bunny compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything me need, God will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. C'était Burning de Koffi dans la tête au carré. Bah ça, c'est le papayo. C'est un oiseau qui est très discret, sauf par son chant, qui ressemble vraiment, c'est vrai, à un grand coup de sifflet. Il délimite son territoire. D'ailleurs, il y a probablement un autre oiseau de la même espèce qui va répondre un peu plus tard. Et c'est caractéristique, en tout cas, de la forêt guyanaise. Il ne se passe pas une heure quand on est en forêt sans l'entendre. Alors, on entend beaucoup de chants d'oiseaux. On entend aussi des cris de singes. Alors, ça ne se bouscule pas. Hein. C'est vrai qu'on pourrait presque faire une horloge des sons dans la forêt. parce que les sons se répartissent en fonction du jour, en fonction de la nuit, en fonction des moments, et on entend là tout à fait dans le fond des singes hurleurs. Le scientifique Michel Huette au micro de Denis Chessou dans CO2 Mon Amour pour nous plonger dans l'ambiance de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, l'exposition Oka Amazonie, une forêt habitée, ouvre ses portes au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Une exposition qui propose de nous donner des nouvelles de l'Amazonie et des peuples autochtones qui y vivent. Pour en parler avec nous cet après-midi dans La Tête au Carré, Guillaume Audon, ethnobiologiste, chercheur au laboratoire écologie, environnement, interaction des systèmes amazoniens en Guyane française, et Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et conservateur pour cette exposition. Ce que l'on vient d'entendre, ça doit vous rappeler des choses, c'est votre quotidien, en tout cas lorsque vous faites vos études, Guillaume Audon, sur le terrain, c'est dans cette ambiance sonore que vous la faites. Alors vous parlez des chercheurs qui parlent ou des oiseaux ? Des oiseaux plutôt, les chercheurs qui parlent, vous devez en entendre aussi certainement. Le paille-paillo, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, effectivement c'est un peu l'oiseau symbolique de la forêt guyanaise, dès qu'on met les pieds dans les bois on l'entend, et certains l'appellent l'oiseau gendarme parce qu'il avertit les autres qu'il y a quelque chose qui passe. Ouais. Avec les singes hurleurs notamment qu'on entendait. Aussi, mais on les entend plutôt le soir en général. Ouais, c'est ça. À chaque heure, son bruit associé. Francis Duranton, la forêt amazonienne s'étend sur combien de pays ? Alors, elle s'étend sur 9 pays. Donc, on peut les citer. Hein. C'est le Brésil, la Guyane française, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, le Suriname, le Venezuela et le Guyana. Et ça représente à peu près 6 millions de kilomètres carrés. Et c'est une forêt qui est habitée par plus de 300 communautés amérindiennes. C'est ça. Elle est encore habitée, cette forêt. Elle est encore... Alors évidemment, elle est abîmée par la déforestation. Dans quelle proportion elle est abîmée par la déforestation ? Alors, elle est très abîmée par la déforestation qui continue en permanence. On dit que quasiment très très rapidement, on a des stades entiers, la valeur de stades entiers qui disparaissent, notamment au Brésil, hein, où en ce moment il y a vraiment une exploitation extrêmement forte de cette forêt. Donc, ce qui est inquiétant, c'est à la fois cette déforestation et le fait finalement que cette forêt amazonienne habite quand même plus de 50% de la biodiversité mondiale. Quoi. Encore aujourd'hui, voilà, hein, donc, c'est encore aujourd'hui 50% de la biodiversité mondiale. Voilà, c'est la forêt amazonienne, c'est 2,5 millions d'insectes, c'est 3 000 espèces de poissons, 1,295 espèces d'oiseaux, des centaines d'espèces de mammifères, 427 amphibiens, des reptiles, 40 000 végétaux qui y sont connus. Et il faut imaginer que sur ces 20 dernières années, uniquement par l'étude que mènent les scientifiques de la biodiversité de cette forêt amazonienne, on a décrit 2,200 espèces qui étaient inconnues de la science. Donc on voit bien que c'est un immense réservoir de biodiversité, et le fait qu'aujourd'hui il y ait cette surexploitation, notamment pour la question des bois précieux, mais pas que, mais également pour les cultures, l'installation des fazendas au Brésil et autres, c'est un véritable problème. Mmh. Alors Guillaume Audon, on nous disait à l'instant, il y a plus d'un million d'individus qui appartiennent à ces peuples autochtones qui vivent dans cette grande Amazonie. Depuis combien de temps l'homme est présent dans cette région du globe ? Alors, on estime aujourd'hui, enfin, les plus anciennes traces qu'on a trouvées remontent à environ 8000 ans avant le présent. Oui. Étonnamment, j'ai envie de dire, dans le centre de l'Amazonie. C'est même pas aux marges qu'on trouve les plus anciennes dates. Ça veut dire que c'est un lieu vivable et on y vit bien et de façon pérenne ? Oui. J'hésite avant de répondre. Oui, on y vit bien. Ouais. Contrairement à tous les clichés. Et aujourd'hui, on est en plus en train de se rendre compte qu'on y vivait vraisemblablement mieux que ce qu'on a toujours pensé, et que les populations amazoniennes étaient très nombreuses avant l'invasion européenne. Mais du coup, cette notion de forêt vierge, est-ce qu'elle a un sens au regard de cette histoire longue ? Les populations qui vivent là n'ont rien à nous envier. Les pyramides, c'était il y a 4000 ans. Eux, ils ont une histoire qui remonte au moins à 8000 ans en arrière, avec des civilisations qui sont passées par des apogées remarquées aussi. Tout à fait, ça c'est vraiment les apports, on va dire, des 10 dernières années de la recherche, et notamment d'une discipline qui est l'écologie historique, qui étudie cette forêt en y remettant l'homme à sa place, entre guillemets. Et on trouve depuis, oui, ça fait 10-15 ans, de plus en plus de traces de sociétés massives qui construisaient des tertres, des fossés, des cités vraisemblablement, des chemins qui reliaient ces cités. Donc il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. On estime aujourd'hui peut-être à une dizaine de millions de personnes au moment de l'arrivée des Européens. Oui, ce sont les Européens qui ont provoqué l'effondrement de ces civilisations, ou elles étaient déjà en déclin avant que les Occidentaux arrivent ? De ce qu'on en sait, et on n'en sait pas grand-chose malheureusement, c'est l'arrivée des Européens qui a provoqué cet effondrement démographique et plus que les Européens, c'est les maladies des Européens, les bactéries, les virus qu'ils transportaient. Et depuis que les humains habitent cette forêt amazonienne, est-ce qu'ils ont eu un rôle sur la biodiversité? On s'émerveille toujours, hein, et Francis Duranton le rappelait, c'est encore aujourd'hui 50% de la biodiversité de la planète qui se trouve en Amazonie. Est-ce que l'homme a joué sa part dans cette biodiversité? Ben, c'est la position que nous, aujourd'hui, chercheurs, on a, en tout cas celle qu'on défend, celle que nos dernières découvertes ont tendance à montrer. Ouais. Clairement, l'arrivée de l'homme, et je parle là des précolombiens, en Amazonie, a vraisemblablement brassé cette région et a créé de la diversité parmi les plantes, au moins, en tout cas. C'est-à-dire qu'en déplaçant des plantes, en en cultivant certaines, cette forêt que l'on a un peu trop rapidement appelée forêt vierge, c'était un jardin, finalement. En tout cas, elle était cultivée, entretenue par des hommes. C'est ça, le terme consacré, c'est une forêt culturelle. Florian vous demande sur la page de l'émission, tous les peuples autochtones de Guyane sont-ils sédentaires ou restent-ils des nomades? Ces peuples déjà à l'époque étaient-ils sédentaires ou nomades et aujourd'hui? Alors c'est des choses qui ont beaucoup changé dans le temps. On a tendance à considérer qu'autrefois les peuples autochtones étaient plutôt nomades, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le fait que la Guyane française est un territoire français, on impose une certaine sédentarité autour des écoles, autour des centres de santé, à tel point que la mobilité a extrêmement diminué. Aujourd'hui, les peuples autochtones sont pour la plupart sédentaires, en tout cas vivent dans des villages qui sont bien identifiés, et il continue d'y avoir un certain nombre de mobilités, mais qui sont à beaucoup plus petite échelle. Francis Duranton, vous nous disiez que cette forêt amazonienne recouvrait 9 pays, enfin en partie, et il y a parmi ces pays la Guyane française, donc une partie de la France qui est recouverte, et c'est une partie non négligeable de la forêt amazonienne, la Guyane française. La Guyane française, c'est en tout cas la partie forestière de la Guyane française, c'est 98% du territoire, donc c'est quelque chose de gigantesque. Et quand on parle de biodiversité, la Guyane française, finalement, c'est 98% de la faune de vertébrés en France, et c'est la moitié de la biodiversité française. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la plus grande frontière de la France avec un pays, c'est sa frontière avec le Brésil, sur plus de 730 kilomètres. Donc on voit bien que cette zone-là, qui est une zone immense, est une zone dans laquelle on a un potentiel énorme. En Guyane, par exemple, c'est 5500 végétaux avec plus de 1800 arbres qui sont connus, c'est 700 oiseaux, c'est 177 mammifères, c'est 500 poissons. Donc on a véritablement une très très grande biodiversité dans cette zone-là. Et un des grands enjeux de la biologie de la conservation, c'est effectivement de faire attention à ce que cette zone-là ne soit pas trop anthropisée ou en tout cas pas trop exploitée ou autre, de façon à ce que à la fois les continuités biologiques qui sont nécessaires au développement des espèces puissent perdurer, mais également effectivement que l'ensemble de cette biodiversité soit maintenue, puisque un écosystème, en fait ce sont des écosystèmes, la biodiversité amazonienne, il y a tout un tas d'écosystèmes très différents, faut pas imaginer une forêt comme un écosystème, il y a plein de micro-écosystèmes à l'intérieur, les chablis et autres, il y a plein de choses très très différentes, et c'est cette diversité qui fait la richesse. Ouais. Et votre exposition avait envie de faire le focus plus particulièrement sur la Guyane, justement, sur la partie guyanaise de l'Amazonie. Oui, c'était l'occasion, effectivement, puisque c'était l'année des peuples autochtones. On voulait d'abord montrer que, voilà, il y a des Français pour lesquels le français n'est pas la langue maternelle. Et pourtant, ils sont citoyens français. Je pense aux Teko, aux Kalinia, aux Wayampi, aux Wayana, aux Palekwane, aux Lokono, qui sont ces communautés amérindiennes françaises qui vivent en Guyane et qui sont des enfants de la République. Donc l'idée, c'était la première des choses, montrer cette diversité qui aujourd'hui est extrêmement importante, qui est une véritable source de recherche. Et dans l'exposition, on montre aussi comment c'est à partir des mythes que certaines de ces groupes ont, comment il y a une autre relation à la nature. Par exemple, quand vous rentrez dans l'exposition, un élément surprenant, c'est un hologramme où on voit une presse à manioc se transformer en anaconda, ou l'anaconda en presse à manioc. Voilà, ça fait partie de toute une mythologie que l'on retrouve dans ces peuples amérindiens. Vous allez nous dire de quelle manière vous tentez de préserver ces cultures et en quoi consiste votre travail d'ethnobiologiste sur le terrain, Guillaume Audone. Et les questions des auditeurs commencent à arriver pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Une de perdue, retenir les choses comme elles sont, il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille, et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison à vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre. Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse. Tu sais très bien. Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Et là t'es où, tu fais quoi, t'écoutes mes textes. J'en suis certain car les jaloux sont toutes les mêmes. Sous mes airs j'en souffre encore. Courant d'air dans le parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais. Pourquoi ça m'intéresse. Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein. Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à la gueule. Commencer la soirée comme faisaient les Ramos. Et la finir éclatée, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. C'était Malade, Roméo Elvis dans La Tête au Carré. La Tête au Carré sur France Inter. Nous, les Amérindiens, on mange trop vite et pieds nus aussi. Ça, c'est une plante, c'est une liante plutôt, avec des épines. Donc, on fait le tabouret avec et ciel de case. Tu ne l'as pas de la caïmane. Il te boude pas un emna, tu comprends mal, mal, catéomitum. La forêt nous donne, la nature nous donne tout. C'est pour ça que moi, j'aime bien transmettre des contes à nos jeunesse, à notre culture, la tradition, etc. Et afin que nous préservons notre culture. On voudra toujours vivre comme la nature fait, vivre avec la forêt, la nature, tout ce que la nature nous donne. C'est vrai qu'on a encore nos savoir-faire. Sauf que là, je sens que voilà, ça commence comme vous. On va bientôt perdre tous nos savoir-faire. Il faut faire très très attention. Moi j'ai tous les savoirs, sauf que voilà, je vieillis, le temps passe. Lorsque je ne serai plus là, qui va le montrer à nos jeunesse? Extrait d'un reportage d'Anne Pastor en forêt guyanaise, diffusé le 16 juillet 2017, dans Voyage en terre d'outre-mer. Nous explorons la forêt amazonienne à la rencontre des peuples autochtones qui y vivent cet après-midi dans La Tête au Carré, avec Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui présente l'exposition Oka Amazonie, une forêt habitée, et Guillaume Audone, chercheur au CNRS, ethnobiologiste en Guyane française. Guillaume Audone, dans le bref échange que l'on vient d'entendre à l'instant, on voit à quel point nature et culture sont imbriquées pour les peuples qui habitent la forêt amazonienne. Oui, c'est une réalité. Quand on est entouré par autant de biodiversité, en fait, tout provient en substance de ce qui nous entoure. Que ce soit le gibier, le produit de la pêche, et puis les plantes avec lesquelles on va faire tout le mobilier, du coton qui vient des abatis aux lianes avec lesquelles on va tisser, on va faire des paniers, ou à la rouman notamment avec lequel on fait des vanneries. en fait, tout provient des alentours et en avoir une connaissance fine, c'est quasiment vital. Alors Guillaume Audon, votre parcours est intéressant. Vous avez fait des études de pharmacie à l'université de Bordeaux et aujourd'hui, vous travaillez en Guyane justement avec ces peuples qui vivent dans la forêt et vous essayez de recueillir leur savoir sur les plantes médicinales, sur les plantes de la forêt. Comment vous avez effectué ce passage? C'est un parcours compliqué. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement les plantes médicinales amazoniennes. Et il n'y avait pas énormément de choix. Il n'y a pas de formation, en fait. Aujourd'hui, il y a très peu de formation d'ethnobotanique, déjà. Et donc, la pharmacie m'a donné des outils. Et ce que je ne voulais pas faire, c'était essayer d'appliquer ces outils de la pharmacie pour valoriser des savoirs autour des plantes médicinales. Ça ne me semble pas pertinent. Ce qui me semblait intéressant, c'était plutôt d'essayer de comprendre pourquoi ces gens utilisaient ces plantes pour se soigner. Comment est-ce qu'on compose une flore médicinale? Quelles plantes on choisit? Quel est le sens de tout ça? Et en fait, ça, c'est des questions de sciences humaines. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Comment vous travaillez concrètement avec les populations locales? Alors, ces dernières années, c'est des choses qui ont été rendues un peu plus compliquées par la loi biodiversité. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais tant que le travail était, entre guillemets, plus simple d'un point de vue réglementaire, la première chose à faire, en fait, c'est tout simplement d'aller à la rencontre et de demander aux gens, bon, ben, moi je sais faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? De leur demander leur avis, c'est fondamental. Et de monter les projets ensemble. Et ça prend du temps d'établir cette confiance, j'imagine. Ah oui. D'autant que c'est des savoirs qui sont souvent, on va dire, polémiques, enfin, ou l'utilisation qu'on peut en faire, ou la vision du chercheur, ou la vision du blanc, tout simplement, qui vient s'intéresser à ces choses-là, c'est un peu louche. Et du coup, c'est vraiment... Il y a une méfiance. Il y a une méfiance, c'est vraiment un procédé qui se fait sur le temps long, et par l'échange, en fait. Une fois que les gens voient que, bon, bah, on semble être quelqu'un de fiable, et la relation de confiance s'installe. Alors, vous avez notamment au Pérou, avec les Indiens Chawi, je ne sais pas si je prononce bien. Comme Pupiawi, dans leur vrai nom. D'accord. Fait un recueil, un livre finalement, qui recense tout leur savoir à chaque plante, quel remède on peut concocter avec les plantes. Tout à fait. Alors pendant ma thèse, donc là j'étais encore dans ce processus de formation d'ethnopharmacologue, parce qu'à l'époque c'était essentiellement ces remèdes traditionnels qui étaient mon cœur de travail. J'étais censé travailler sur la leishmaniose, qui est une maladie cutanée. Et donc lors de la première réunion qu'on a fait dans le village de Soledad, l'ensemble de la population nous a dit « bon, bah, c'est intéressant, c'est vachement bien, tu vas pouvoir nous dire si nos plantes elles marchent contre cette maladie. Par contre, nous ce qu'on aimerait, c'est un livre de plantes médicinales, comme ça ». Nos enfants, ils pourront avoir tout ça écrit quelque part. Et donc, ben voilà, chose promise, chose due, il n'y a pas d'alternative quand on fait ce métier que de tenir sa parole. Ouais. C'est un savoir qui se co-construit avec les populations locales. Hein. Vous n'arrivez pas pour leur apporter la bonne parole, vous êtes là pour leur rendre service aussi. Alors j'ai envie de dire, plus que de le co-construire, le savoir, il ne se co-construit pas, le savoir, c'est eux qui l'ont. Ouais. Moi, je ne fais que le recueillir. Et le mettre en forme, sous la forme d'un bouquin, sous la forme d'un produit qui peut leur sembler pertinent, ça peut être autre chose, le jour où on me demandera un DVD ou un site internet, on se débrouillera pour y arriver. Ouais. Mais clairement, là, c'est une réponse à une demande. Et c'est ce qui a bien marché chez les Chawi. Et ensuite, avec ce livre, vous êtes allé voir aussi d'autres peuples autochtones en Guyane, en leur montrant justement ce que vous aviez fait au Pérou, pour leur montrer ce que vous pouviez faire. Alors, pas tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que lors de ma thèse, j'avais une approche comparative, comme on le fait de plus en plus dans les ethnosciences, où en essayant de comprendre comment des groupes culturels différents utilisent une biodiversité qui pourrait être la même, on dégage des tendances ou des manières de faire qui peuvent être singulières d'une culture ou d'une autre culture. Mmh. Et donc, mon travail, mes deux terrains de thèse étaient effectivement au Pérou et en Guyane française. Et puisqu'ensuite j'ai continué à travailler pour le CNRS en Guyane, c'est donc avec les gens avec qui j'ai travaillé pendant ma thèse en Guyane que j'ai continué à faire de l'ethnobiologie. Francis Duranton, en 2010, au Japon, a été voté le protocole de Nagoya, un accord international sur la biodiversité. Il s'agissait d'établir des règles pour un accès aux ressources génétiques et pour un partage plus juste et plus équitable, justement, entre les Européens, les scientifiques qui viennent dans ces pays et puis les populations locales qui ont les savoirs. Le protocole a été mis en vigueur en 2014. Est-ce que ça a changé? Déjà, est-ce que les populations locales ont été impliquées, consultées pour le protocole? Pas encore vraiment. Donc c'est bien tout l'enjeu de la mise en application du protocole de Nagoya. C'est pour ça qu'au mois de novembre, on va faire vraiment un colloque consacré à la mise en œuvre de ce protocole au muséum. Effectivement, dans ce protocole, il doit y avoir, bien évidemment, dans les travaux comme ce que mène par exemple Guillaume, il y a des échanges avec la population et notamment... On ne fait que recueillir des savoir-faire traditionnels. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les machines dont on dispose et la technique et la technologie dont on dispose, on est capable d'aller isoler des molécules qui ont un certain nombre de propriétés, molécules sur lesquelles on est bien sûr, les différents laboratoires posent des brevets, mais sans aucun retour vers ce savoir traditionnel et vers ces communautés de peuples autochtones qui finalement nous ont donné ce qu'ils savaient, mais qui à l'arrivée se retrouvent sans aucun moyen complémentaire. Et donc aujourd'hui, la mise en œuvre du protocole impose une restitution vers les communautés autochtones, justement des bénéfices liés à leur savoir, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent continuer à se développer, à maintenir vivaces leurs coutumes, leurs traditions et autres. Et tous les enjeux du protocole de Nagoya aujourd'hui, même pour les chercheurs, c'est d'abord de comprendre ce qu'il y a derrière et ensuite de le mettre en œuvre de manière opérationnelle sur le terrain. Guillaume Audon, ça a changé quelque chose sur le terrain, la mise en œuvre de ce protocole? J'ai envie de dire, paradoxalement, oui, ça nous a rendu le travail plus compliqué. L'idée fondamentale de dire ces savoirs traditionnels peuvent amener à de la création de richesse et il faut que cette richesse soit partagée. C'est une idée qui est bonne, qui est fondamentalement bonne. Le problème, c'est que tout le monde s'est focalisé. En fait, le protocole de Nagoya, c'est un protocole qui vise avant tout à la protection des savoirs traditionnels et à la protection de la biodiversité. Et, de fait, à la protection des savoirs traditionnels sur la biodiversité. Ce protocole de Nagoya, tel qu'il a été retranscrit par la loi française, il met en difficulté la recherche, et notamment la recherche la plus fondamentale, la nôtre, celle qui est une recherche patrimoniale. Parce que on se retrouve avec l'impossibilité de recueillir ces patrimoines, et donc avec un risque à court ou moyen terme, en fait, de voir tout simplement leur perte. Dominique vous demande, dans ce registre, l'ethnobotaniste, donc c'est vous, n'a-t-il pas le sentiment de piller le savoir et de créer ensuite des données que ne se gêneront pas d'exploiter les groupes pharmaceutiques et autres sans retomber pour les populations locales? Non, en fait non, j'ai absolument pas cette impression, dans la mesure où ce que je fais, et c'est une grosse partie de mon travail, c'est d'en parler avec les communautés locales et tout simplement de ne pas publier ce qu'elles ne souhaitent pas voir publié. Mais aujourd'hui, la demande d'un certain nombre de personnes dans les communautés, c'est tout simplement de les consigner, ces savoirs. Parce que il faut rappeler qu'en Guyane, il y a un certain nombre de langues pour lesquelles on n'a pas de dictionnaire et encore moins de guide de plantes médicinales ou de lexique ou d'inventaire. Donc ces savoirs peuvent se perdre à très court terme. Une fois qu'on fait un livre en disant « ça, c'est le patrimoine des Chaoui, ça, c'est le patrimoine des Teco, ça, c'est le patrimoine des Kalinia », ben, c'est un peu comme si on mettait un tampon dessus en disant « voilà, en fait, cette donnée, elle appartient à quelqu'un. C'est une manière de protéger ». Ces savoirs sont menacés de disparition. D'autres menaces pèsent sur ces populations, comme ce projet controversé récent dont vous parlez dans l'exposition, celui de la Montagne d'Or, et dont on a parlé dans la matinale de France Inter le 18 juin dernier. Et c'est un débat qui divise la Guyane, celui de la mine d'or Montagne d'Or, immense projet industriel au milieu de la forêt amazonienne. Anne-Laure Barral, les opposants comptent bien faire entendre leur voix, notamment les Amérindiens que vous avez rencontrés. Oui, au bord du fleuve Maroni, le village amérindien, village Pierre. Ce sont quelques maisons en bois sur pilotis, une école en préfabriqué, une salle commune. Bernard Villa avec sa femme et ses deux enfants, et il ne veut surtout pas du projet Montagne d'Or, qui en cas d'accident pourrait polluer l'eau des rivières et des criques environnantes. On consomme des poissons qui sont infectés par le mercure, le cyanure, donc du coup, nous on ne veut pas de ça. Je suis un vrai Guyanais aussi, mes parents sont de là depuis le début. Avant l'arrivée du Christophe Colomb. À 31 ans, Bernard parle comme s'il avait 500 ans de compte à régler avec l'histoire. Il faut dire que ce projet Montagne d'Or ravive des tensions auprès d'une communauté qui se sent souvent déconsidérée. C'est le cas de Tony, chef coutumier du village de Prospérité. Ça veut dire que non, c'est pas vrai. Tout ce qu'on dit, les Amérindiens, non, c'est pas valable. Alors que c'est moi qui vis dans la forêt. Et souvent on dit, ici il n'y a rien du tout dans cette partie. Mais dans cette partie, ben c'est sacré. Il faut le respecter. Francis Duranton, dans l'exposition, vous abordez le débat autour de la Montagne d'Or et on voit toutes les questions qu'il fait remonter à la surface. Bien sûr, c'est tout l'enjeu de quel développement pour la Guyane et quel développement économique les communautés amérindiennes et les acteurs de l'écologie souhaitent préserver absolument cet ensemble de biodiversité tout à fait exceptionnel. On sait pertinemment que une exploitation minière, bien derrière, ça crée des troubles dans l'environnement, c'est évident. Je veux dire, lorsqu'on brasse en plus les terrains dans lesquels il y a potentiellement de l'or, eh bien ces terrains sont eux-mêmes naturellement chargés en mercure, et quand on rajoute ça avec tout l'orpaillage clandestin, enfin tout ce qui se passe, donc ces questions de pollution des eaux mercure sont extrêmement importantes, et en particulier pour les Amérindiens. Mais en même temps, la question de est-ce que amener, alors c'est un des arguments qui est utilisé par les tenants du projet, par contre de dire voilà, on amène de l'emploi dans un secteur où il n'y a rien, où il y a peu d'activité, donc on amène de l'emploi, on crée de la richesse, c'est un sujet extrêmement complexe, et on comprend à quel point il peut diviser la Guyane entre ambition de développement économique et maintien aussi d'une biodiversité, d'une naturalité de cette forêt. Qu'est-ce que signifie être français pour un Amérindien qui vit dans la forêt guyanaise aujourd'hui? Nous allons aborder la question dans la dernière partie de cette émission et puis vous répondrez aux questions des auditeurs. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour au sentiment perdu au milieu des cartables et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, c'est ce qu'attendent les cuirs en serviettes et blousons pour enfin ressortir. C'est un compte à rebours pour lunettes de soleil que l'ombre des cartons empêche de voir le ciel. C'était Art Mengo dans un an et un jour dans La Tête au Carré sur France Inter. La Tête au Carré, Daniel Fievé. Nos invités autour de la table, Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, où se tient dès aujourd'hui l'exposition Oka Amazonie, une forêt habitée, et Guillaume Audon, ethnobiologiste en Guyane française. Alors la situation de la Guyane française, elle est particulière, hein, on l'a mentionné déjà, c'est la seule terre française et même européenne en Amérique du Sud. Cette collectivité territoriale est très isolée, ce qui n'est pas sans conséquence pour les habitants. Francis Duranton. Oui, tout à fait. Je veux dire, il faut imaginer que déjà, les moyens de déplacement, c'est pas les moyens qu'on a forcément en métropole. Je veux dire, quand on veut remonter vers Alors le sud de la Guyane, eh bien c'est le fleuve qui est le moyen de se déplacer. C'est donc la pirogue essentiellement, tout au moins dans le mode de locomotion traditionnel. Bon, il y a quelques lignes d'avion quand même qui permettent, mais il n'y a pas vraiment de route qui pénètre jusqu'au fond de la forêt guyanaise. Mmh. Donc ça veut dire aussi que les questions d'accès à l'éducation, d'accès aux dispensaires, à la médecine, à l'hôpital sont extrêmement complexes pour les gens qui vivent dans la forêt et que bien évidemment ça pose de vrais problèmes. Voilà. Que signifie être français pour un Amérindien? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la réponse de Siméon Monerville-Séno, qui appartient au peuple Teco. Il a 25 ans. L'avantage d'être Teco et français, quand tu as un papier français, ça te permet cette facilité à se déplacer si tu as envie de voyager. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a le papier, mais on n'a pas tout à fait vraiment ce que les Français ont quoi. Par exemple, ici, on a besoin de dispensaires. Le dispensaire est tout pourri. Il manque de médecins, il y a un manque d'infirmières, il y a un manque de profs. Voilà, il y a tas de problèmes. Alors qu'on est dans la société française, on est français. Et du coup, on n'est pas traité de la même manière que les Français, quoi. Ça rejoint ce que vous nous disiez, hein, Francis Duronton, cette impression d'être isolé. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, Siméon était un des membres de notre comité scientifique. Effectivement, il portait la voix des Teco, comme Claudette Laponté portait celle des Palikwanais. C'est important, effectivement, de comprendre ces difficultés d'accès, de façon à pouvoir répondre un petit peu aussi aux besoins et qui sont ceux des gens qui vivent si loin. Ouais. Guillaume Audon. Je dirais qu'aussi une des difficultés, l'article 1 de la Constitution en France, c'est de dire qu'on est un seul peuple et certains de ces peuples autochtones ont d'autres revendications aussi, notamment à ce qu'on respecte leur langue. Et par exemple, une des difficultés, ouais, c'est qu'on leur apprend à lire et à écrire en français, une langue qu'ils ne maîtrisent pas, parce que ce n'est pas leur langue maternelle. Du coup, ça entraîne un échec scolaire horrible. Enfin, quand on apprend à lire une langue qu'on ne parle pas, c'est quand même, ouais, assez compliqué. Ouais. Et ça, c'est des choses qui sont en train de changer. Mais il a fallu 30 ans de combat d'anthropologues derrière pour que ça commence à bouger. Mais c'est dur. Pierre vous demande, la culture amérindienne n'est pas confinée aux seuls peuples autochtones. La culture créole en est largement imprégnée. Y a-t-il d'autres cultures ? En Guyane, bien sûr. Alors, à peu près un tiers de la population guyanaise est constituée de ce qu'on appelle les Bushinengue, qui sont les Aluku, les Djuka, les Saramaka et les Paramaka, les peuples marrons, qui sont des anciens esclaves surinamais échappés, mmh, des plantations. Mmh. Il y a évidemment un autre tiers de la population guyanaise qui est constituée de la population créole, qui est une population métissée également afrodescendante. Et puis après, le tiers qui reste, donc au-delà des 8000 ou 10000 Amérindiens, il y a beaucoup de Brésiliens, d'Haïtiens, de Métropolitains, enfin tout un tas de communautés. On estime à une... Il y a des Hmongs aussi, effectivement. On estime à une vingtaine le nombre de communautés présentes en Guyane aujourd'hui. Georges vous demande, où en est le parc national de Guyane qui semble au point mort et qui devait protéger les peuples autochtones ? Alors, je ne vais pas me faire le porte-parole du parc amazonien de Guyane, mais je pense qu'il n'est pas au point mort, qu'il y a de belles avancées. Et c'est un espace de protection de la biodiversité dans sa zone de cœur et de protection des cultures, dans une certaine mesure, dans les zones d'adhésion où justement des villages autochtones, des villages amérindiens sont situés et que jusqu'à preuve du contraire, la politique du parc a été assez pragmatique. Et j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ces cultures justement ne se perdent pas. Une question aussi sur la faune, hein, qui vit en forêt amazonienne. C'est Jean qui vous pose cette question. Le jaguar est-il le plus grand félin amazonien et quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Francis Duronton. Oui, le jaguar est le plus grand félin amazonien. Il est plus gros que le puma. Il peut atteindre jusqu'à une centaine de kilos, entre 50 et 100 kilos. Il y a un fort dimorphisme sexuel. C'est un animal qui est extrêmement puissant, hein, qui a une morsure très très forte. Je crois qu'on a pu observer un jaguar qui pèse à peu près une centaine de kilos, traîner un taureau sur plus de 360 kilos sur plus de 8 mètres. Donc c'est un animal. Et là, ce qu'il menace, c'est ce qui menace à peu près toute la grande faune. D'abord, la fragmentation de ses habitats, et puis également, bien évidemment, tout ce qui est braconnage et autres. Et dans votre exposition, on pourra voir un jaguar se faire naturaliser. Voilà, on verra un jaguar en train de se faire naturaliser, effectivement, par notre taxidermiste Brian Aiello. Oui. Un jaguar qui vient d'où? Il n'a pas été braconné. Non, un jaguar qui est mort malheureusement dans un zoo. D'accord, l'exposition s'intitule « Oka Amazonie, une forêt habitée » et elle est à découvrir dès aujourd'hui au Muséum de Toulouse. Merci à vous Francis Duranton et Guillaume Audon. Merci. C'est l'heure du docteur. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Alors on reparle de la notation des médecins par les patients. Oh oui Daniel, c'est un vieux serpent de mer qui ressort régulièrement. Plusieurs projets ont déjà vu le jour sans succès depuis 10 ans et le dernier né s'appelle Medieval 4i, sans doute pour For You, je sais pas. Alors il faut dire que les créateurs de cette application pour smartphone ne se sont pas foulés puisqu'ils ont essentiellement récupéré les notes et les commentaires de Google Maps. Et c'est-à-dire? Eh bien tout le monde connaît l'application Maps de Google qui permet de trouver en quelques clics une adresse ou un itinéraire. Mais on sait moins que Google Maps permet également de noter et de commenter à peu près toutes les prestations, commerces, restaurants, hôpitaux et aussi les médecins. Et alors vous, Dominique, du coup, vous avez quelle note? Ah, ma modestie légendaire m'interdit d'en parler. En revanche, France Inter a reçu 4 commentaires et le tout premier était, je cite, « Bon programme, particulièrement la tête au carré », quand même, faut le dire. Oui, mais transmettra à Mathieu Vidal. Voilà, mais revenons à la notation des médecins. Donc, elle existe déjà dans Google Maps, mais elle est peu utilisée pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est pas dans la mentalité française. Nous détestons tout autant donner des notes qu'en recevoir, même anonymement. Ensuite, le succès des notations sur TripAdvisor ou Amazon repose sur des évaluateurs quasi-professionnels qui en ont fait leur hobby. Or, on peut avoir testé 200 restaurants, produits ou vendeurs, mais pour les médecins, c'est bien sûr impossible, voire suspect. Enfin, il y a le problème des retombées de l'évaluation. Lorsque vous recommandez un produit à un hôtel, vous ne risquez aucun préjudice. En revanche, si vous avez trouvé un super médecin, vous n'avez pas envie qu'il soit débordé par un afflux de clientèle. C'est sans doute le plus gros handicap de la notation appliquée à la médecine. Alors du coup, les patients motivés pour noter un médecin sont surtout les mécontents qui souhaitent partager leur mauvaise humeur. À l'inverse, certains commentaires flatteurs peuvent être postés par des compères et tout cela enlève beaucoup de fiabilité à l'évaluation des médecins tant que le nombre des commentaires reste faible. On pourrait même imaginer des coups tordus, comme dire du mal de son médecin traitant pour dissuader d'autres patients de remplir sa salle d'attente. On se demande si vous n'avez pas eu à subir ce genre non, de choses. Non, heureusement. Mais c'est quand même logique. Oui, c'est quand même logique que les patients puissent partager leur ressenti. Bah oui, mais j'y suis personnellement très favorable, à l'inverse de beaucoup de mes confrères. S'il est très difficile pour un patient d'apprécier la pertinence des examens prescrits ou d'un traitement, il est totalement légitime pour s'exprimer sur la ponctualité, l'amabilité, la pédagogie et globalement l'humanité du médecin qu'il a consulté. Ça marche très bien dans d'autres pays et nous y viendrons inéluctablement. Bon, alors il faut dire qu'en France actuellement, le problème c'est pas de trouver le bon médecin, mais le généraliste qui prend encore des nouveaux patients ou le spécialiste qui donne des rendez-vous à moins de 6 mois. Mais cette évaluation subjective du service est d'un des principaux moteurs d'amélioration de la qualité, comme je l'ai constaté dans l'enseignement, avec la notation des cours par les étudiants, et comme Uber l'a prouvé face au taxi. Merci Dominique Dupagne, et à la semaine prochaine. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Fabrice revient sur le génocide des Tutsis au Rwanda, survenu en 1994. Merci à Pauline Laverdure, qui était à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter.